là, il y a quelqu'un qui me demande à quelle tradition appartenez-vous? Quelqu'un qui appartient à une tradition ne s'appartient pas. Moi non plus, je ne m'appartiens pas au sens où je vibre encore dans l'expérience, je suis encore dans l'expérimental, mais au moins je le sais. Tandis que quelqu'un qui est encore dans la mémoire de la race, la mémoire expérimentale des collectifs ne s'appartient pas, mais il ne le sait pas. Et le savoir est le début de la fabrication d'un pont pour la sortie de l'expérimental et l'entrée dans le créatif réel, que l'être humain se devra d'être d'une créativité réelle, mais il s'agit là de phénomènes purement individuels et ce sera collectif lorsqu'il y aura une certaine masse critique de gens qui, ou qui, les individualités réelles formeront un collectif. Et c'est là où c'est délicat, parce que ça, je ne le verrai pas de mon vivant. C'est le début de quelque chose qui n'est pas une tradition. Quelqu'un qui appartient à une tradition ne s'appartient pas, mais quelqu'un qui sait qu'il ne s'appartient pas, il a le début de quelque chose. Donc, au niveau de la mémoire des collectifs, du mémoriel, du karmique au sens de la pollution qui passe à travers de la mémoire, tout ça est extrêmement bien au sens où ça a été nécessaire par rapport à construire un contexte, les civilisations, mais tout ça arrive à la fin. Nous sommes à la fin. Une fin qui, au niveau individuel, peut sembler très longue, comme quand je vous dis que je ne le verrai pas de mon vivant, là, ce qui va en ressortir de ça. Mais il reste que nous sommes quand même à la fin de quelque chose et au début d'autre chose qui est plus qu'un début. C'est quelque chose qui était là en germe et ce n'est pas une tradition. Les phénomènes dont je parle sont des choses purement, c'est quelque chose de purement individuel, mais qui ne peut pas, dans lequel on ne peut pas avancer seul, parce qu'il faut être reconnu par d'autres consciences et être capable de voir le jeu, savoir écouter tout le monde pour des raisons de comprendre, d'être capable de comprendre, d'être capable de voir les différentes fréquences et d'avoir une vision de plus en plus élargie du fréquentiel expérimental de l'être humain. Sinon, nous ne pouvons pas voir nous-mêmes que nous sommes dans l'expérimental, nous ne pouvons pas savoir, même si nous savons, nous ne pouvons pas intégrer le fait que nous savons que nous ne nous appartenons pas et que nous vibrons à de l'expérience, que nous sommes prisonniers de l'expérimental, mais le fait est que quiconque appartient à une tradition ne s'appartient pas, mais ne le sait pas, ou il le sait au fond de lui-même, mais ce n'est pas intégré par la conscience égoïque. Le fait que parfois je peux utiliser des termes qui ont été utilisés avant moi, c'est pour des questions que ça prend des formes pour faire passer la fréquence. Ce n'est pas la question d'une perpétuation traditionnelle de quelque chose. Donc, l'être humain devra devenir de plus en plus réel, c'est-à-dire intégrer les lois, le systémique de sa propre expérience pour être au volant de sa propre voiture un jour. À ce moment-là, ce ne sera plus l'homme involutif, mémoriel, expérimental, civilisé que nous connaissons maintenant, et il y aura là une nouvelle mouture, une nouvelle portée. Mais encore là, s'il s'agit là d'êtres qui seront encore jusqu'à un certain niveau dans de l'expérimental, mais de l'expérimental créatif, c'est-à-dire que il aura encore affaire à de la construction, il sera encore dans de la construction, mais il sera un constructeur. Le fait de parler avec d'autres gens pour actualiser l'information, pour intégrer, pour voir le jeu, ça c'est nécessaire parce que nous ne pouvons pas, là, seuls, c'est quelque chose que j'ai réalisé, nous ne pouvons pas seuls, là, s'actualiser dans ça. Ça prend d'autres consciences qui ont un parcours par rapport à des types d'expériences semblables pour pouvoir se situer, que l'ego se situe dans son expérience. Lorsque l'individu qui est au courant de ces choses-là, qui le voit, qui le sait, se pense testé par les plans, il est question ici d'un processus qui est lié à un plantage de décor pour que l'ego se situe par rapport à lui-même dans son expérience, parce que nous ne pouvons pas être testés par des intelligences qui savent déjà d'avance si vous allez réussir le test ou non. Ce n'est pas une question. Elles n'ont pas besoin de se situer par rapport à nous. Mais l'ego a besoin de se situer par rapport à lui-même dans son expérience. Et c'est là qu'intervient un jeu extrêmement subtil. Il y a des gens, ça fait plus de 30 ans qu'ils intègrent et qui, indépendamment du différent type de personnalité, la personne réelle n'intervient pas au même niveau, au niveau de l'expérience de l'ego, par rapport à ce qui peut être intégré, là, et puis même quand avec d'autres, il y a une discussion et que nous provoquons, si on peut dire, les intelligences, il va finir par canaliser des choses qui sont sous forme chiffrée et des choses. Au moins, c'est de voir que nous faisons rire de nous faisons rire de nous, que nous faisons mener en bateau, mais juste le fait, nous ne sortons pas du bateau, mais au moins nous pouvons le voir, et ça, c'est le début. C'est le début de la possibilité d'un jour descendre du bateau et d'arriver sur la terre ferme du réel. Donc, l'idée que je puisse appartenir à une tradition, à mes yeux, c'est une réponse à laquelle je ne peux pas. À quelle tradition j'appartiens? À aucune. Je n'appartiens à aucune tradition. Sinon, je vais perdre le savoir du fait que je ne m'appartiens pas. C'est très bien, tout le mémoriel par rapport là, à la régence animique qui a fait que les civilisations par rapport à de la mémoire, tout ça a été important. C'était le plantage de décor, mais tout ça va finir. Quelque chose d'autre doit être en gestation là-dedans. Donc, le fait de sortir de la régence animique pour tomber sous la régence mentale, au moins, il y a là le savoir que nous sommes sous régence. Et c'est déjà le début que l'être humain finira par être sous sa propre régence. Il sortira de l'expérience, il cessera de vibrer à l'expérimental. Je discute parfois avec des gens extrêmement intelligents qui ont intégré beaucoup, mais je sais que même dans 20 ans, possiblement que je vibrerai encore à de l'expérience. Et même parmi les gens qui sont le plus avancés dans ces processus-là, il y a encore de la crainte, c'est-à-dire de la peur réfléchie, et nous sommes tous semblables par rapport à ça, et le fait de le parler entre nous permet de nous situer par rapport à ce qui est réfléchi pour que la crainte cesse d'être de la peur réfléchie, qu'elle redevienne de la peur, c'est-à-dire du fréquentiel, qu'à un moment, l'ego peut choisir d'activer ou non. Et il y a là le début d'une créativité réelle. L'être humain doit devenir son propre progrès, son propre programmateur, mais nous en sommes tellement loin encore qu'on me demande si j'appartiens à une tradition, et c'est correct. Je comprends, et c'est une question aussi de respect, de comprendre que ce que je dis, les choses dont je parle, eh bien ça, c'est très long à. Il y a eu chez moi là, une intégration extrêmement rapide, là, accélérée pour des raisons que j'ignore, mais qui est possiblement liée à de la régence mentale, que ça ne vient pas de moi, là. Mais le simple fait de le savoir et puis au moins d'être le gestionnaire de mon propre stock, d'avoir une certaine possibilité créative par rapport à ces choses-là. Ce que je parlais, le fait que la bonne Sainte-Anne perd ses culottes, ensuite l'ajusteur de pensée, le double perd ses culottes, c'est bien beau. L'être humain arrive tout nu dans le plan mental à ce moment-là, mais il doit commencer à tisser ses propres culottes. Donc, j'ose espérer que Je ne vois pas le quoi dire d'autre, je ne vois pas quoi dire d'autre, donc ça doit faire, c'est suffisant. Bonne journée.